toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous écouter. Et aujourd'hui, je vais ouvrir l'émission avec un peu de Rachmaninov, Sergueï Rachmaninov, compositeur russe, bien évidemment, que l'on peut considérer comme le dernier compositeur romantique, parce que si Rachmaninov est mort en 1943, eh bien son style n'aura guère évolué depuis ses 18-19 ans, et depuis son premier concerto pour piano composé justement à 19 ans. Et dans les années 40, il va composer sa rhapsodie sur un thème de Paganini, qui est souvent considéré comme son cinquième concerto pour piano. Alors Rachmaninov, évidemment, il a été souvent attaqué, brocardé, parce que son langage musical était resté, comme je le disais, très romantique, finalement, néo-romantique, et il n'a pas tenu compte des évolutions musicales de son temps, par exemple Debussy, ou encore Richard Strauss, ou encore Stravinsky, bien sûr, et puis l'école de Vienne qui sortait de la tonalité. Bref, un compositeur en tout cas très populaire, que moi j'adore, et j'ai eu envie de passer un peu du premier concerto pour piano, celui composé donc à 19 ans, et vous allez peut-être reconnaître, hein, pour les plus anciens, parce que c'était le générique de l'émission de Bernard Pivot, apostrophe. un petit peu donc de ce concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, le début du premier mouvement, interprété par Vladimir Ashkenazy au piano. L'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam était dirigé par Bernard Haitink. Et on va continuer avec un compositeur qui est beaucoup, beaucoup moins connu que Rachmaninov, c'est Henri-Joseph Riegel. Il est né en 1741, il est mort en 1799, il était allemand, mais il a vécu essentiellement à Paris. Il est venu à Paris très tôt pour prendre en charge l'éducation musicale d'une jeune personne de l'aristocratie. Et puis, il s'est fait connaître très vite. On a joué ses symphonies au fameux Concert Spirituel, qui était une association de concerts qui jouaient la musique contemporaine de l'époque, c'est-à-dire par exemple les symphonies de Haydn. Et puis, Riegel a traversé la période révolutionnaire avec des hauts et des bas, parce que bon, parfois il est inquiété, comme tous les personnalités en vue de l'époque, hein. Et puis malgré tout, eh bien pour se faire bien voir des autorités, des différents comités de salut public, etc., de la Convention, il a écrit des hymnes révolutionnaires, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs tous ses collègues, et puis il a participé à la création du Conservatoire de Paris. Voici un peu de la musique d'Henri-Joseph Riegel, puisque l'excellent ensemble Concerto Köln lui a consacré tout un album il y a quelques années, un album avec différentes symphonies. Alors j'ai choisi un extrait de la 4e symphonie en la mineur, Allegro Spiritoso, c'est joué donc par le Concerto Köln. Thank you. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est bien, hein. C'est vraiment de la très très bonne musique. On s'étonne que cette musique d'Henri-Joseph Riegel soit si peu connue. D'ailleurs, si vous avez envie de réagir aux œuvres que je passe, aux disques qui sont diffusés, n'hésitez pas à aller sur la page de l'émission Radio Fadjet Discothèque Classique. Il est toujours possible de m'envoyer un message et puis, bien sûr, je vous répondrai. Et puis, bien, pourquoi pas de suggérer des œuvres. C'était donc l'interprétation du Concerto Köln, vraiment une très très belle, un très beau disque. On continue avec un disque paru cette année, une parution récente, consacré à Telemann. Alors Telemann, c'est vraiment l'un des grands noms de la musique au XVIIIe siècle, né en 1681, mort en 1767. Ah bah oui, j'aime bien dire les dates des compositeurs, ça permet vraiment de les situer par rapport déjà à leur époque et puis par rapport à leurs collègues. Et ce disque nous propose la cantate Inno. Et c'est une cantate assez originale parce qu'elle fait appel à la seule voix de soprano, accompagnée bien sûr d'un orchestre. Elle est inspirée d'un épisode d'Ovide qui raconte l'histoire mythique d'Inno qui, fuyant son mari devenu fou après qu'il ait tué l'un de leurs enfants, eh bien, se jette dans la mer du haut d'une falaise avec leur fils survivant et les nymphes marines vont les transformer alors en dieux. Bon, voilà. Et en tout cas, c'est vraiment de la très très belle musique. C'est une œuvre tardive dans la production de Telemann qui a tant et tant composé. 1765, il allait mourir 2 ans après. Je vous en propose un extrait avec la belle voix de soprano d'Elisabeth Watts. Elle est entourée par l'ensemble Florilegium, dirigé par Ashley Solomon. Thank you. Un extrait de la cantate Inno de Georg Philipp Telemann avec la voix d'Elisabeth Watts, l'ensemble Florilegium, j'y arriverai, hein. Il me pose problème ce nom. Dirigé par Ashley Solomon, c'est une nouveauté du label Channel Classics, entièrement consacré d'ailleurs à Telemann, et très très très très belle interprétation. On continue avec un peu de piano et Schumann et ses études symphoniques opus 13. Robert Schumann, 1810-1856, ça c'est une œuvre presque de jeunesse hein, de Schumann, et en fait c'est un thème et variation, vraiment un kaléidoscope d'émotions, de couleurs, une œuvre particulièrement intéressante, étude symphonique, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'orchestre, non, il n'y en a pas. Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que justement l'œuvre de Schumann développe toutes les possibilités du piano d'une manière un peu symphonique. On va en écouter un extrait, l'une des variations, jouée par l'excellent pianiste Emmanuel Axe. On a envie d'applaudir. Hein. Si vous trouvez des disques de ce pianiste Emmanuel Axe, bien foncez parce que tous ces enregistrements sont vraiment excellents. C'était un extrait des études symphoniques de Schumann. Alors on a beaucoup parlé de la Hongrie ces derniers jours, à juste titre, puisque ce pays va renouer avec l'Europe. Eh bien j'ai eu envie de passer un compositeur hongrois, Zoltán Kodály, né en 1882, mort en 1967, et qui est connu surtout pour une seule œuvre, Ari Janos, c'est un opéra. Mais de cet opéra, Kodály a fait une suite destinée à l'orchestre, destinée à être jouée au concert. Alors, ben voilà, on va écouter un petit extrait, l'intermezzo. Et voilà, ben c'est donc, vous êtes toujours bien sur Radio Fadjet, c'est toujours Discothèque Classique, votre magazine du classique le samedi et le dimanche. Musique. L'intermezzo de la suite d'Ari Janos de Zoltán Kodály avec l'orchestre de Cleveland, direction Georges Zell. Et on a bien entendu le cymbalum, hein, c'est un instrument typique de la musique magyare. Allez, on va continuer avec quelque chose d'assez typique encore. Ce sont les chants d'Auvergne de Joseph Canteloub. Pas très connu, Canteloub, sauf pour cette œuvre, ce cycle de mélodies. Sur des paroles en patois d'Aurillac et puis en occitan. Donc une œuvre assez originale. On dit que Canteloup, qui était lui-même auvergnat, aurait un soir de 1903 noté des chants qui provenaient de la montagne, d'une bergère. Il aurait noté à la volée ce qu'elle chantait, les notes, et puis il se serait inspiré de ce chant pour composer l'air le plus célèbre des chants d'Auvergne, c'est Bailero. Et par la suite, eh bien évidemment, il a composé d'autres œuvres parce qu'il était assez connu en son temps, Canteloub, hein, mais il n'est passé à la postérité que pour ses chants d'Auvergne. On va écouter une interprétation parmi les plus belles de ces chants d'Auvergne de Canteloub, c'est celle de Frederica von Stadt avec le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Antonio de Almeida, Bailero. trop rarement entendu, hein, je trouve, un extrait des Chants d'Auvergne de Joseph Canteloube, Bailero, chanté par Frédéric Havenstadt. Le Royal Philharmonic Orchestra était dirigé par Antonio de Almeida. Et on continue notre émission discothèque classique sur Radio Fadjet avec un peu de Mozart. James Levine est un chef d'orchestre qui est mort en 2021. Il avait été pianiste, chef d'orchestre et donc spécialiste de l'opéra. Il a énormément enregistré d'opéras d'ailleurs. Il faut dire qu'il a dirigé l'orchestre du Metropolitan Opera de New York pendant de longues années, après avoir été directeur musical de l'orchestre de Munich et puis de Boston. Il a eu aussi d'énormes problèmes de santé, cancer des reins, enfin bref, maladie de Parkinson, ça a été compliqué. Mais il a toujours continué sa carrière pratiquement jusqu'à la fin. Et il a laissé une discographie incomparable, à la fois en tant que pianiste et en tant que chef d'orchestre. Au début des années 90, il avait gravé une intégrale des symphonies de Mozart, il n'y en a pas tant que ça finalement, qui avait un peu divisé la critique, ou plutôt qui n'avait pas vraiment enthousiasmé la critique en France. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que depuis, eh bien, beaucoup de critiques musicaux ont revu leur jugement et trouvent que finalement, bah, c'était quand même une des grandes intégrales des symphonies de Mozart. Donc j'ai eu envie d'en passer un petit peu avec la symphonie numéro 6, que Schell 43, évidemment c'est une œuvre de jeunesse, hein, de Wolfgang Amadeus. On va en écouter l'Allegro avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction bien sûr James Levine. premier mouvement de la symphonie numéro 6, Köchel 43 du divin Mozart, avec l'orchestre philharmonique de Vienne que dirigeait James Levine. Alors là, évidemment, on a affaire à une interprétation sur instrument moderne, déjà au début des années 90, quand a été enregistrée cette intégrale des symphonies de Mozart par James Levine et Leviner, eh bien d'autres essayaient des voies différentes, par exemple Nicolaus Harnoncourt, qui dirigeait ses symphonies de Mozart sur instruments d'époque avec des effectifs encore plus réduits. Eh bien, il y a un chef d'orchestre, qui musicologue, qui s'est aussi penché sur la question et qui est allé très loin d'ailleurs dans ce sens de l'authenticité, si je puis dire, c'est Joshua Rifkin. Il a fondé un ensemble, The Bach Ensemble, et avec quelques chanteurs, quelques musiciens, il a enregistré les cantates de Bach. Eh bien oui, parce qu'à l'époque de Bach, évidemment, le cantor ne disposait pas d'un orchestre pléthorique. Hein. Il n'avait pas un chœur extrêmement puissant, fort, comme on en a aujourd'hui. Il disposait de quelques voix solistes et il jouait certainement ses cantates avec ses effectifs-là. Eh bien, c'est ce qu'a essayé de restituer, en quelque sorte, Joshua Rifkin. Mais dans l'extrait qu'on va écouter, la cantate BWV 78, eh bien là, il n'y a que deux voix et c'est prévu comme ça. Donc, on va écouter un extrait de cette cantate par cet ensemble, The Bach Ensemble, dirigé par Joshua Rifkin. Thank you. Eh bien, merci de nous écouter hein, tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet, discothèque classique. Et c'était un extrait de la cantate BWV 78 de Jean-Sébastien Bach avec les voix de Julianne Baird, soprano, Alan Fast, contre-ténor, et The Bach Ensemble était dirigé par Joshua Rifkin. Un peu de Beethoven maintenant, sa sonate numéro 5 pour violon et piano, opus 24, dite Le Printemps. Mais c'est un sous-titre qui n'est pas de Beethoven lui-même. Mais enfin, ça colle bien hein, cette œuvre très, très lumineuse, très fraîche, très agréable. Et bon, on va en écouter un petit extrait, le final, rondo final. J'ai choisi la version historique de Zino Francescatti au violon et Robert Casadesus au piano. Thank you. au final de la sonate numéro 5 pour violon et piano de Beethoven, dite Le Printemps, avec Zino Francescatti au violon et Robert Casazzu au piano. On va terminer l'émission avec la conclusion des études symphoniques pour piano de Robert Schumann, jouée par Emmanuel Ax. Conclusion des études symphoniques de Robert Schumann, interprétée magnifiquement par Emmanuel Ax. Et bien voilà, c'est terminé pour ce week-end, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche, de 11h à midi sur Radio Fadjet, pour des nouvelles émissions de Discothèque Classique, votre rendez-vous classique du week-end sur Fadjet. Je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine. À très très bientôt, j'espère.